Dans la Suisse, il y a où la montagne, du pion haut et du pion bas. Dans la Suisse, il y a où la montagne, du pion haut et du pion bas. Je vois, j'ai la vue, y'a j'y tombe, de la peine à des moutons. Amole les gens, la la la, la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la. On dit trame et dit fruit dit galette, dans ta manche juge tout recette. On dit trame et dit fruit dit galette, dans ta manche juge tout recette. Ou comme on livre faut finir pour la fontaine à l'être pris. Amor les gens. Y'all.